majeure. La majeure. La majeure. La majeure. Si mineur. La majeure. Si mineur. La majeure. Una nova edició d'aquest espai d'Ola la Music amb Rafael Corbí. Avui serà un programa eclèctic, ja veieu el que ens provoca nosaltres també la feina moltes vegades, o el que es pot fer. No hi ha setmanes que puguem estar en millors condicions que aquesta, la veritat sigui dita. Per tant, aquí al vostre costat, amb una selecció de música en el dia d'avui, programa en el que us escoltarem artistes variats, la seva música, tota ella en francès, això sí. I esperem la propera setmana tornar a estar millor perquè Olala torni a ser el programa que sempre habitualment us portem. Gràcies per escoltar-nos i si aquest mal de coll doncs ens deixa, tornarem ben aviat. Olala Music amb Rafael Corbí i artistes com aquests, Pils and Tavet, Johnny Holiday, Jean-Baptiste, Cindy Bedard, Serge Gainsbourg i molts d'altres ens acompanyaran avui. C'est un jardinier qui boite. Qui boite, qui boite. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite, qui boite, dip, dip. Certains disent que s'il boite, c'est parce qu'il boit, dip, dip. Mais quoi qu'il en soit, toutes les fois qu'on le voit, on le voit qui boit, on le voit qui boite. Du premier du mois au dernier du mois, c'est fou tout ce qu'il boit. Ah, c'est fou comme il boite, car pour oublier qu'il boite, ce jardinier boit, oui. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Tout au bout du parc ombragé, j'ai voulu voir le potager, rempli de choses à manger. Tout tenté, j'ai voulu goûter les beaux fruits que le soleil cuit. Soudain, près d'un groseillier, j'aperçus le jardinier. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Certains disent que s'il boite, c'est parce qu'il boit. Mais quoi qu'il en soit, toutes les fois qu'on le voit, on le voit qui boit, on le voit qui boite. Du premier du mois au dernier du mois. C'est fou ce qu'il boit, c'est fou ce qu'il boite. Car pour oublier qu'il boite, ce jardinier boit. Oui, c'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Moi j'ai vu les champs et les prés. Moi j'ai vu les vallons dorés. Moi j'ai couru respirer. Moi j'ai vu les fleurs du pays. Moi j'ai fait le tour de la basse-cour. Moi j'ai vu le garder le fermier. Moi j'ai vu le jardinier. Wow. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Popo padou. Certains disent que s'il boite, c'est parce qu'il boit. Popo padou. Et moi, pas quoi qu'il en soit, aussitôt que les gens le voient, on s'aperçoit que c'est un roi. Et on remarque comme il boite du premier jour du mois jusqu'au tout dernier jour du mois. Oh, mes amis, c'est fou ce que cet homme boit. Oh, ma chère, si cet homme boit, c'est parce qu'il boite. Car pour oublier qu'il boite, ce jardinier boit, oui. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Qui boit et qui boit. On me recherche en Bourgogne, on me recherche en Vendée, on me recherche en Gascogne, on me cherche dans le Lyonnais. Mon visage et mes empreintes sont diffusées chaque jour par des gendarmes qui pointent leur sale gueule au carrefour. On me recherche en Touraine, on me recherche en Provence, on me cherche en Aquitaine et dans toute l'Île-de-France. J'avais trois copains de cavale, un salaud les a donnés. Ils pourrissent en centrale et j'ai juré de les venger. Y'a des villes et des villages qu'il vaut mieux plus traverser. La seule vue de mon passage ferait boucler toute la contrée. Pour tout souvenir d'enfance, je ne connais que le vent. Et sous le soleil qui danse, les silhouettes des truands. Quelque part dans un village, y a trois planches et quatre murs, une petite vieille et un petit vieux qui me cacheront, c'est sûr. Oui. Dans leur jardin sous un arbre, à la pelle et au râteau, j'ai planqué toutes mes armes, quatre flingues et trois couteaux. On me recherche à Créteil, on me recherche à Bordeaux, dans les faubourgs de Marseille et les clandés de Saint-Malo. Oui, Saint-Malo. On me cherche à Besançon, on me cherche à Montpellier. S'ils veulent toucher ma rançon, faudra d'abord me tuer. Me tuer. S'ils veulent toucher ma rançon, faudra d'abord me buter. Me buter. Ah. Ouais, s'ils veulent toucher ma rançon, il faudra d'abord me tuer. L'écho de leur joie monte à l'infini et leur voix chante en moi. Tu es né pour cette vie. Je prends le chemin de mon rêve d'enfance vers des lendemains au glorieux destin. Parmi les étoiles, je cherche idéal. Ce monde auquel j'appartiens, qui est encore bien loin. Que mon cœur cherche en vain le monde qui est le mien. chemin m'attend ma récompense. Le pays des héros qui demain. Esteu escoltant Hola La Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí.

chevillette, tirez la bobinette, Gérard. Où allez-vous donc, fillette? Lui demande le loup gourmand. Je vais porter une galette et un petit pot de beurre à ma mère grand. Qui habite cette maisonnette? Allez vite, mignonnette. Et merci, merci pour le renseignement. Tire, tire, tire la chevillette. Tire et la bobinette, Gérard. Tandis qu'elle cueille des noisettes, il court vite chez la mère grand. Et d'un seul coup de fourchette, il avale presque toute la bonne maman. Pour la tête, se fait une vinaigrette, mes chemises, bonnet, lunettes, puis se couche dans le lit en ricanant. Ah, le méchant! Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette, Gérard. Toc, toc, toc, vient la pauvrette qui annonce à sa mère grand. Je vous apporte une galette et du beurre que vous envoie ma maman. Ouvrez vite à votre mignonnette de sa voix la plus fluette. Le loup crie imitant la vieille maman. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette, Gérard. Elle entra dans la chaumière, s'écria en la voyant. Que vos bras sont longs, grand-mère, c'est pour mieux, mieux t'embrasser, mon enfant. Que vos yeux, vos oreilles, vos molaires ont grandi, bonne grand-mère, c'est pour mieux, mieux te manger, mon enfant. Mais le pire chaperon pas bête, se rappelant la fin de l'histoire, prit une grosse clé à molette et lui ferma soigneusement la mâchoire. Puis doucement, au loup bavant de colère, je t'ai laissé bouffer, grand-mère, mais faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. Le petit pot et la galette, c'est chaperon qui les mangera. Il faut toujours, ma grosse bête, se méfier d'un plus petit que soi. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobinette, Gérard. Encore une fois j'ai dû disparaître. Des fois je t'aime, des fois je te hais. Pour ne pas dire que j'ai tout donné, j'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Encore et encore facilement. Encore et encore facilement. J'essaie d'y croire. Sûrement la face, je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Vois-tu comment le monde est stupide? Vois-tu comment le diable est habile? La vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de me faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Encore et encore facilement. Encore et encore facilement. J'essaie d'y croire. Je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance. Aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur.

mais là-bas, tout là-bas, dans le vent qui soupire, la voix du vieux clocher tinte et semble leur dire: petits enfants, prenez garde aux flots bleus qui font semblant de se plaire à vos jeux. Les flots berceurs font pleurer bien des yeux. Petits enfants, prenez garde aux flots bleus. Ils sont partis sur la barque légère, les trois petits gars. Ils sont partis se disant que leur mère ne le saura pas. Mais les flots bleus que la brise taquine se sont fâchés. La voile blanche et le mât qui s'incline sont arrachés. Et les petits enfants, joignant leurs doigts tremblants, le regard suppliant et les yeux pleins de larmes, à travers l'ouragan, jette ce cri d'alarme: maman, maman. Mais là-bas, tout là-bas, dans le vent qui fait rage, la voix du vieux clocher tinte à travers l'orage. Petits enfants, dans les flots furieux, levez vos mains vainement vers les cieux. Les flots berceurs font pleurer bien des yeux. Pleurez, enfants perdus dans les flots bleus. Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur mon brin de laurier. Je dormais comme un loir. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue j'avais des comptes à rendre, et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication? Si je publie des noms, combien de Pénélopes passeront illico pour de fieffées salopes? Combien de bons amis me regarderont de travers? Combien je recevrai de coups de revolver? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. À toute exhibition, ma nature est rétive, souffrant d'une modestie quasiment maladive, je ne fais voir mes organes procréateurs à personne excepté mes femmes et mes docteurs. Dois-je, pour défrayer la chronique des scandales, battre le tambour avec mes parties génitales? Dois-je les arborer plus ostensiblement, comme un enfant de cœur porte un saint sacrement? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Une femme du monde, et qui souvent me laisse faire mes quatre voluptés dans ses quartiers de noblesse, m'a sournoisement passé sur son divan de soie les parasites du plus bas étage qui soit. Sous prétexte de bruit, sous couleur de réclame, ai-je le droit de ternir l'honneur de cette dame en criant sur les toits et sur l'air des lampions: madame la marquise m'a foutu des morpions? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Le ciel en soit loué,

connu, oh, tellement nu. Esteu escoltant Ulala Music. Encore du cinéma, tu m'embrasses. cinéma. T'es pas venu comme d'habitude, oh, oh, toujours plus fou. Je pleure tout seul. Je t'appelle, je te supplie de me consoler. J'imagine que dans ma tristesse, je suis au cinéma. Je te parle, je te dis je t'aime, je me fais du cinéma. Tu me regardes, tu me souris même, tu fais ton cinéma. Je t'embrasse, mes mains te caressent, encore du cinéma. Tu m'embrasses, tes mains me caressent, toujours du cinéma. Aquesta setmana, diferent, ja heu pogut escoltar, d'Olala Music. Esperem estar diferents ja i ben recuperats per una propera ocasió del nostre espai. És la música que ens ha acompanyat tots aquests darrers minuts i que ho acabarà de fer amb un parell de cançons més fins a arribar al final. La primera d'Alexandre Liard i la segona de l'Ocient Fouillet. Fins la propera. Gràcies per l'escolta. A reveure. Ta rage, ma rage, l'orage de bêtises qui nous a lavé, qui nous a vidé des quelques gouttes de tendresse qui nous soutenait et dans lesquelles on se baignait. T'as pas à m'en parler, t'as pas à me rappeler, rien de ce qui s'est passé ne m'a échappé. T'as pas à m'en parler, t'as pas à souligner tous les détails. L'orage de bêtises qui nous a lavé, qui nous a vidé des quelques gouttes de tendresse, qui nous soutenait et dans lesquelles on se baignait. T'as pas à m'en parler, t'as pas à me rappeler, rien de ce qui s'est passé ne m'a laissé froid. ta rage, ma rage, l'orage de bêtises qui nous a lavé, qui nous a vidé. J'étais une enfant sans ruse, chez des parents comme il faut, loin du monde où l'on s'amuse, loin du monde où tout est faux. Un jour vint un monsieur drôle qui ne parlait pas beaucoup. Il joua si bien son rôle que je lui sautais au cou. Ah, j'en étais amoureuse, chaque jour de plus en plus. Je le suivis toute heureuse, aussitôt qu'il l'a voulu. Parti, sans laisser d'adresse, parti avec mon amour. Parti avec ma tendresse, avec lui et pour toujours. Parti sans laisser de trace, parti avec mon espoir. Parti très loin dans l'espace, sans adieu, sans au revoir. Je suivis mon nouveau maître jusqu'au cœur du Grand Paris. Ah, je me sentais renaître à chaque jeu qu'il m'a pris. On faisait des choses folles, on oubliait de dormir, on se croyait sur parole, on ne pouvait en finir. Nous vivions une bagarre de bonheur, mais qui l'eût cru? Un beau jour, sans crier gare, mon beau monsieur disparut. Parti, sans laisser d'adresse, parti dans le petit jour. Parti avec ma tendresse, emportant tout mon amour. Depuis ce jour, mon histoire est bien triste à raconter. J'ai vécu des nuits sans gloire et des jours désenchantés. Chaque fois que je regarde un grand garçon qui me plaît, toujours il se met en garde et demande: qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Dis-moi petite, de ta candeur d'autrefois. Je rougis et je le quitte. La chanson répond pour moi. Faut jamais qu'on s'étonne de voir s'envoler un oiseau. La vie serait trop monotone, il fallait la vivre au berceau. Parti sans laisser d'adresse, parti sans laisser d'amour. Parti sans laisser d'adresse, sans adresse